fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes effectivement sur le 94.2 sur Fadjet ou peut-être www.fadjet.net. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, bien sûr, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Mes partenaires de jeu depuis maintenant un an et demi, quasiment deux ans déjà. Il y a Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va très bien, merci. Contente de vous retrouver tous à l'antenne ce beau vendredi du mois de juin. Ravi, en plus, et du soleil. Et notre Jack National. Bonjour à tous, bonjour les amis. Qui participe à 18 émissions maintenant sur Fadjet. Ouais. Exactement. Plein c'est phare, plein code. Le marathon. Plein veilleuse. Je serai partout. Il fait toutes les émissions. Alors Alaïk, quel va être le programme du jour? Parce qu'on a des invités de choix aujourd'hui. Bah, oui, il y a du monde aujourd'hui dans le studio. Alors aujourd'hui, on a des invités. Ils sont au nombre de trois. C'est un groupe nancéen, les Velvet Swing. Donc, Velvet Swing. Bonjour à tous. Bonjour tous les trois. Bonjour. Qu'est-ce qui est donc on les présentera tout à l'heure. Des morceaux, enfin voilà, ils vont participer pendant une heure à notre émission. Et il y aura quoi d'autre au programme? Alors on va parler déco comme à l'habitude. Donc je vais vous parler du canapé Togo. Je sais pas si vous voyez. J'ai découvert ça avec toi effectivement. Voilà. Le canapé Togo. Très connu. Et pas pourtant. Pogo, hein, rien à voir. Non. C'est un autre canapé. On vous le fera découvrir tout à l'heure. Voilà, on va parler mode avec un must-have en fait pour cet été, pour l'été 2016 avec le bob, le retour du bob. On peut qui dire est ce bob? Un must-have, le bob. Et qu'est-ce qu'on a tous en tête? On le dira justement, les bobs du Tour de France notamment. Mais non, ça peut être classe. Et puis Jack nous fera aussi sa chronique, bien sûr. Exactement, aujourd'hui on va parler de Jeep et Vintage Garage. Voilà. D'accord, une émission dont on avait parlé le mois dernier. Exactement. Et là, on a pu justement la regarder. Exactement. Et puis on fera là aussi les sorties un peu locales. Et puis on parlera aussi de l'actualité en fait de nos invités, bien sûr. Bien sûr, et on va commencer tout de suite et justement par eux. Alors, Velvet Swing. Alors les Velvet, bonjour. Bonjour. Re-bonjour. Re-bonjour. Donc merci d'être là. Donc je vais vous présenter un petit peu d'une façon globale. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un trio. Donc il y a Virginie, c'est ça? Oui, Virginie. Donc chanteuse et joueuse. Tu joues d'un instrument ou pas? Oui, je suis aussi du saxophone, d'accord, ténor. D'accord, ok. Donc Virginie qui est avec nous. Benoît donc à la guitare. Bonjour Benoît. Bonjour, oui. Et Julien aussi à la guitare également. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est du saxophone ténor? En fait, il y a quatre types de saxophones. D'accord. Et qui ont quatre tailles différentes et qui ont un ambitus, c'est-à-dire. On avait dit pas de gros mots. Mal. Je vais repartir plus simple. En fait, il y a le saxophone soprane qui est plus petit que les autres et qui a un son plus aigu. D'accord. Ensuite, on a l'alto un peu plus grave, ténor encore plus grave. D'accord. Et le baryton qui est très gros, qui peut se poser par terre si on joue assis, qui joue très très grave. Parce que en face de toi un élève de grande section de maternelle au niveau musique. D'accord. Donc... Alors, en grande section de maternelle, j'aurais apporté l'instrument. Ah, dommage pour moi. Et donc, alors on peut continuer, on peut commencer l'interview, effectivement, Anaïk. Oui, donc vous êtes originaire donc de Nancy, et donc on le disait tout à l'heure, donc vous êtes un groupe de jazz et de swing. Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est ça? Ah bah c'est tout à fait ça. C'est faux. Tout à fait ça. C'est une erreur. On fait du métal. Non. C'est du métal acoustique, exactement. Donc on est bon. Alors première question, j'avais envie de vous demander. En fait, on avait envie de savoir, tout simplement, comment s'était formé le groupe et puis depuis quand vous existez. Alors le groupe s'est formé à l'été dernier. D'accord. Ouais. Tout simplement, on s'est retrouvé invité au mariage du luthier qui a fait nos guitares à Julien et moi. Mm-hmm. Donc qui s'appelle Vladimir Music, qui fait des superbes instruments. Donc on s'est retrouvé à boire des coups là-bas, avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr, toujours les musiciens. Oui, évidemment. Et en fin de soirée, on s'est dit tiens, on va créer un groupe. Voilà. Et puis il y avait d'autres musiciens qui étaient là. Donc on a fait le bœuf, et puis à un moment on s'est dit ah bah tiens, c'était sympa. D'accord. Mmh. Et puis nous, ça faisait avec Virginie, on avait déjà un projet en duo. Mmh. Et puis, puis on s'est dit, ah, ce serait quand même bien d'avoir un musicien supplémentaire, histoire de densifier un peu la chose. Et puis on a pensé à Julien. On l'a appelé et la semaine d'après, on enregistrait nos premières vidéos. Et trois semaines après, on passait en studio. Voilà. Ouais, donc ça s'est fait quand même assez rapidement. Ouais. Et donc vous deux, vous connaissiez d'avant, enfin vous connaissez depuis combien de temps en fait tous les trois, ça fait... Oui, c'est ça. Alors, en fait, Benoît était mon prof de guitare. D'accord. Ouais. On se connaît d'une école de musique, ça fait quelques années, mais je ne saurais pas dire. Ça doit faire 8 ans. C'est non, ça, oui, ouais, oui, pas loin. Enfin, comme ça, ouais. Ça remonte un petit peu. Ouais. Et puis moi, je connais Benoît depuis pas mal de temps, puisqu'on est un peu dans le même univers depuis un moment. On fait tous les deux du jazz manouche, et comme voilà le... La passion commune, en fait, vous a réuni, du coup, vous avez créé le groupe. Donc, du coup, vous avez une formation, enfin, certains ont une formation donc musicale. En fait, vous avez un métier à côté de ça. Vous faites quoi, en fait? C'est votre travail. C'est votre passion, votre travail. Comment en fait, on a tous les trois un travail à côté, mais Julien et Benoît travaillent dans la musique. En fait, ils sont profs de guitare tous les deux. Et par contre, moi, rien à voir, je suis professeur des écoles. D'accord, bon, bah, ça peut être... Mais effectivement, cette question est souvent... Alors, c'est pas pour toi, elle est souvent bête, mais c'est pas parce Merci. Que ça... Mais c'est qu'on a tendance à dire, parce qu'on le fait pas professionnellement, ça peut ne pas être de la musique faite avec, justement, professionnalisme. Non, c'est faux. Tu vois, souvent, on a tendance à demander, effectivement, aux gens s'ils ont un autre métier. Mais, oui, non, mais... Il y a pire, c'est s'ils ont un vrai métier. Alors, ah oui, ça revient souvent. Non, j'irai pas jusque-là. Souvent, voilà. Mais pire que tout, ça. Mais en fait, souvent, parce que c'est vrai. Une passion, et je suppose que vous faites des répétitions, voilà, vous avez, voilà, il faut vous voir pour et en fait souvent quand on a un autre boulot à côté, effectivement, bah faut trouver du temps aussi pour se voir, pour répéter, et moi ça m'intrigue. Mais c'est vrai que c'est terrible, hein, quand on dit est-ce que t'as un vrai métier, parce que ça c'est une passion, c'est un hobby, c'est comme la Alors, pétanque. J'ai pas dit un vrai métier, mais voilà, je voulais en connaître un peu plus sur vous, mais bon. Et donc, alors si on poursuit un petit peu l'interview là-dessus, moi j'ai une question déjà de prime abord comme ça. Pourquoi Velvet Swing? Oui. Alors je prends le swing, je vois à peu près ce que c'est. Velvet, je ne vois pas. Mis à part un pays. C'est velours. Ça veut dire velours. Ah. On voulait, en fait, comme on est trois et qu'on joue en acoustique ou semi-acoustique, on voulait que le nom reflète un peu notre configuration intimiste. Vous voyez un décor un peu avec un sofa, etc. Et donc on a cherché des noms qui rappelaient le swing et qui rappelaient aussi le côté intimiste et velouté. Et donc du coup c'est devenu Velvet Swing. Il y a une petite note rétro quand même à tout ça, dans votre identité. Oui, c'est notre univers. Et quand on va jouer, on vient avec notre univers rétro et on joue à fond là-dessus. À fond là-dessus. Eh ben justement, j'ai envie de vous demander de jouer à fond là-dessus. On peut peut-être commencer par un titre en acoustique, ça vous dit? Ou vous voulez qu'on attende un petit peu? Ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. On va le faire. Alors, donnez-nous peut-être le titre, peut-être pour... il a été créé quand? Enfin, petites infos un peu dessus, ça sera pas mal. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Pourtant, qui a été écrit par Mathieu Chédid pour Vanessa Paradis. Ah. Qui a été réarrangé par Cyril Aimé et Michael Valéanou, donc en version justement jazz swing. Et comme on a super kiffé cet arrangement, on s'est permis de le reprendre quasiment tel quel. Pour notre plus grand plaisir. J'espère. Et en vidéo. Et en vidéo en plus. Ah oui, alors justement, le temps qu'ils s'équipent et qu'ils prennent leur guitare, oui, allez-y, vous pouvez prendre les guitares. On va noter aussi et vous dire, chers auditeurs, qu'il est tout à fait possible de nous suivre avec le live stream aussi, parfois que fait Jack, sur notre page Coup d'œil dans le rétro. Donc c'est sur Facebook, entre autres. Exactement. Et à noter que nous avons 387 abonnés et qu'on aimerait bien passer à la barre 10, des 400 déjà. Des 10 000 à la fin de l'émission, invitez vos amis, promettez ce que vous voulez. C'est vrai. Non, mais effectivement, voilà, ça nous fait plaisir en tout cas. Et n'hésitez pas à nous faire des petits coucou même en direct. Voilà, n'hésitez pas à partager. Je sais qu'il y a notre auditeur anglais. D'habitude, il y a des gens à Troyes, il y a des gens à Paris. Donc allez-y, les gars, faites-vous savoir. Faites-vous connaître. Alors, on rappelle le titre, c'est Pourtant. Pourtant. Sur le bonheur, l'air de rien, voilà que tu t'inquiètes. La paix te ferait donc peur. Je la dis, cet amour, les brindilles. violette, tu n'y vois que du feu. C'est sa vie secrète. Pourtant, les mots sont, les mots font, les mots disent, les mots coulent, les mots roulent sur un fil. Moi, je laisse ces microbes, ces missiles. Tu n'y vois que du feu. C'est sa vie secrète. On peut les applaudir bien fort. Merci. Alors pourtant, une reprise donc des Velvet Swing. Alors vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro et donc on a la chance d'avoir les Velvet Swing en live avec nous pendant cette émission, pendant une heure jusqu'à 18h. Et vous nous rejouerez des petits morceaux, hein. Je vais éviter de mettre justement des morceaux enregistrés ou issus directement de notre banque de musique, mais plutôt vous nous ferez du live. Hein. Je pense que ça peut être pas mal, on va profiter de vous au maximum pendant toute l'émission. Alors on va poursuivre, on vous reverra tout à l'heure, on a encore pas mal de questions à poser, vous n'hésitez pas à participer. Il y a à cette heure-ci, c'est le moment de retrouver hein, la chronique d'Anaïk et c'est la chronique d'Echo. Alors justement, tu nous parlais du canapé Togo. C'est ça, oui. Le canapé Togo. Donc c'était une fureur des années 70, non ? Complètement, gros succès qui a fait partie en fait des pièces de mobilier, alors qui étaient très familières à l'époque. Et en fait, donc à cette époque, en fait, le canapé Togo a investi les salons. Donc ça fait 43 ans en fait que ça existe. Et en 2016, on le revoit un petit peu partout. Il faut savoir en fait qu'il a été inventé par un Français. Un Lyonnais exactement, Michel Ducarrois, pardon, en 1973, pour l'enseigne Ligne Rosset. Et ça a été vraiment une success story à la française parce qu'il a été vendu à des millions d'exemplaires dans plus de 50 pays, en fait, ce canapé. D'accord. Voilà. Donc, sa particularité donc, à ce canapé, en fait, je vous mettrai une photo sur Facebook, c'est. Il est bourré de plis. mais c'est vrai. Mais qui est bourré ? Le canapé, pas le créateur. Enfin, je sais pas, mais il paie à son âme maintenant. maintenant il est décédé. Voilà, il est décédé. Le canapé bourré de plumes, il est mignon. Hein oui, non, mais. Ah oui, comme un bébé tout plié au début. Voilà, c'est ça, il y a des chiens aussi comme ça. Les charpés. Ah voilà, c'est le canapé charpé. C'est un canapé charpé. Oui, oui. Qui vient du Togo. D'accord. Ils viennent te secouer ta chronique. Non, mais je suis sûre que quand vous allez voir en photo, vous allez me dire, mais oui, c'est bien sûr. Donc... Ça fait un espèce de gros pouf et non. Oui. En fait, j'allais même dire, en plus, il a une allure flippée. Donc, effectivement, ça nous fait penser un peu à un chien, du coup, quand j'écris ça comme ça. Non, mais ça fait un peu. Une espèce de chauffeuse un peu énorme comme ça. Ça fait un peu sa singularité. En fait, à l'époque, le créateur, donc, qui était lyonnais, je disais tout à l'heure, en fait, disait qu'il s'était inspiré d'un tube de dentifrice, en fait, qui était replié sur lui-même, un peu comme un tuyau de poêle, en fait, avec deux embouts au bout. Je sais pas si ça vous aide en fait. Super clair. Vous asseyez là-dessus. Alors essayez ce soir, chacun chez vous, de vous asseoir sur un tube de dentifrice. Oui, mais alors tube de dentifrice quand même qui coûte assez cher. Faut savoir qu'en 1973, donc il a été présenté au Salon des Arts Ménagers, donc au Palais de la Défense à Paris. Et en fait, à l'époque, les réactions étaient un peu dubitatives. Les organisateurs ont quand même décidé de lui attribuer donc le prix René Gabriel, et ils l'ont qualifié à cette époque, donc en 1973, de mobilier assez innovant en fait, parce qu'il était constitué de mousse. Alors on rentre un peu dans la technique, mais avec trois densités différentes et une housse en fait qui était garnie de ouates de polyester. Et c'était en fait à l'époque très innovant en fait, tous ces matériaux-là. Donc l'avantage du canapé Togo, donc on l'a dit tout à l'heure, il a une forme un peu inédite. Il est hyper confortable. Et il est surtout très modulable, puisqu'il se décline en fait en plusieurs modèles. Donc vous avez la chauffeuse, le pouf, le canapé, le fauteuil d'angle, et chaque élément en fait est indépendant. Donc quand vous avez un grand salon, en fait vous pouvez bouger au gré de vos envies en fait les éléments en fait du canapé. Il a un style intemporel, donc ça lui permet en fait de s'intégrer dans tous les intérieurs. Et il est aussi disponible en plein de couleurs. Donc à l'époque, c'était dans les années 70, il était devenu un peu l'icône de la génération hippie. Et puis on le retrouvait bien sûr en couleurs un peu orangées. Il s'est vendu, je le disais tout à l'heure, à plus d'un million d'exemplaires dans 58 pays. Et donc là, on en revoit un petit peu dans les... On en revoit partout, en fait. Et à l'occasion des 40 ans, en fait, il y avait une édition spéciale qui avait été créée avec un velours un peu jacquard ancien, un motif fleuri. Donc ça faisait assez rétro. Faut savoir que son prix, en fait, est aux alentours de 2300, 2500 euros pour la grande banquette. Alors, pour ceux qui veulent... Alors, pour un gros pouf... Sa petite blagounette. Donc pour ceux qui veulent la pièce authentique, faut vous diriger vers la ligne rosée en fait, qui est en fait l'entreprise en fait qui le vendait à l'époque. Après vous pouvez en trouver d'occasion sur le Bon Coin, mais ça reste quand même assez cher. Mais donc, effectivement, je rigole autour de ça, mais c'est c'est un canapé qui est joli, qui est très 70s et du coup hyper confortable. Hyper confortable, c'est tout vrai, c'est plein de boudins en fait, vous enfoncez dedans, c'est confort, c'est confort. Et ça fait 70s, donc moi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et tu as tout à fait raison, parce que le canapé c'est un des endroits où on passe le plus de temps chez nous. Hein, le canapé c'est la vie. Écouter un groupe nancéen qui est venu nous voir. Et d'ailleurs, on va écouter un titre, mais on va les épargner un peu en acoustique. On va écouter un titre, vous allez m'en dire peut-être un peu plus. Moi je sais déjà que c'est un titre de Gloria Jones de 1976. Alors, Tainted Love. Tainted Love. Oui, non, c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Repris entre autres par le groupe Soft Cell en 81. Exactement. Et repris entre autres par Velvet Swing. Et on va s'écouter juste ça et on se retrouve pour un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusqu'à 18h, les amis. C'est pas compliqué. the ray. You don't really want it anymore. For me to make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I want to you, no, I want from you. Stand in love, you give, and I give you all a boy could give you. Take my teeth and that no. I love you so, you hurt me so. No, I'm going to pack my sins and go. Des Velvet Swing. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors oui, on le dit, vous êtes avec nous et ça, on est très heureux. D'ailleurs, on fait un petit coucou. Hein. Alors, je ne sais pas tous les prénoms. J'ai Christophe là face à moi qui est sur Facebook manifestement et qui doit être au travail. Christophe, travaille s'il te plaît. Patricia, Providence, Rouen. Hein. Oui, c'est notre anglais de service. C'est notre anglais. Oui, on l'a envoyé en Angleterre. Voilà, donc on vous fait un petit coucou et on vous remercie de nous écouter pendant cette heure du vendredi 17 juin. Alors, on va poursuivre cette émission. Et ben justement, Jack, tu es en train de parler. Tu vas continuer sur ta bonne lancée. Alors, oui. Là, tu vas nous faire un retour sur le Vintage Garage, qui est la nouvelle émission de RMC Découverte consacrée à l'auto. Exactement, voilà, c'est l'occasion de reparler de cette émission donc, qui a eu un certain succès. Vraiment, le succès était au rendez-vous. Et du coup, j'avais envie de revenir un petit peu sur cette émission, puisqu'il y a eu une émission qui est revenue sur la Jeep Ulysse. Et comme on fête les 75 ans de la Jeep Ulysse, c'est l'occasion qui fait le larron. D'accord. Et à l'occasion donc de cette émission, je vais essayer de vous rappeler un petit peu la mécanique de l'émission. L'émission, c'est simple. C'est François Alain, qui était un spécialiste connu et reconnu de l'auto ancienne, achète une voiture. Il propose la restauration à plusieurs restaurateurs, eux également réputés, hein, puisque ce sont des gens qui ont vraiment tous des grosses réputations. Celui qui propose le devis le moins cher remporte l'enchère et se voit confier la restauration du véhicule dans un temps imparti, hein, tout en respectant bien évidemment la somme qui a été inscrite sur le devis. D'accord. À la fin, François tente de revendre la voiture. Pas moi, bien évidemment, toujours la personne. Non, notre François tente de vendre la voiture avec plus ou moins de succès, évidemment, selon les épisodes. Donc en fait là sur cette émission c'était l'occasion pour François de parler de la Jeep. La Jeep fête donc ses 75 ans. C'est un objet qui a servi à peu près à tout. Vieille voiture là, puisque on parle de 1941. Tout de même. Hein. 1941 et cette voiture donc a débarqué sur les plages normandes. Ouais. Le 6 juin. Ils l'ont transformée aujourd'hui en voiture de luxe. Hein. Oh, bah, elle sert à tout. Elle sert à tout. Cette voiture, elle a servi de voiture de pompier, d'ambulance. Ouais. Elle sert vraiment partout. On peut en voir en ce moment en expo au Motor Village à Paris, au rond-point des Champs-Élysées. Donc c'est l'espèce de gros garage Jeep, Fiat et compagnie. Et quand vous rentrez, il y a une belle Jeep justement qui est exposée. À l'occasion de l'émission, donc François a reçu Claude Lelouch. Claude Lelouch, le grand réalisateur français. D'accord. Qui a une grande histoire avec la Jeep justement, donc c'est pour ça qu'il était invité. On a plutôt tendance à à parler Claude Lelouch et Mustang pour un homme et une femme, mais pas du tout. Ah oui, effectivement. C'est... Pas du tout. C'était l'occasion justement de faire parler Claude de ses souvenirs avec la Jeep, puisque Claude a vu le débarquement. Et pour lui, la Jeep, c'est vraiment le souvenir et l'évocation du débarquement. On voyait les Jeeps, les Allemands n'étaient plus là. D'accord. Voilà. Il a donné plusieurs rôles à sa Jeep, hein, on l'a vu dans quelques films, on l'a vu un petit peu dans L'Aventure, c'est l'Aventure par exemple, qui est repassé il y a peu de temps à la télévision. Voilà, pour Claude Lelouch, vraiment, c'est le symbole de l'Amérique, c'est le coca, c'est le chewing-gum. Le chewing-gum, et c'est la Jeep, voilà. Okay. Pour réparer sa Jeep, François a eu la chance de pouvoir compter sur l'énorme stock de pièces existantes. Effectivement, les militaires français ont utilisé aussi la Jeep, oui. Donc il y a des stocks énormes de pièces qui traînent un peu partout. Enfin, qui traîne, c'est un gros mot, puisque tout est répertorié par caisse. Donc, en fait, on peut trouver de tout. Tout n'est pas forcément bon marché, hein, parce que bien imaginer qu'il y a des petits malins qui ont profité un petit peu de l'affaire pour se faire un peu d'argent. Il existe donc des milliers de pièces. À la fin de l'émission, il y a un petit test quand même sur route, sur piste, et on se rend compte que la Jeep, ça monte partout. Voilà, c'est simple. Une Jeep, rien n'arrête, même les freins. D'accord. Voilà. Bon. Et toi, c'est une voiture que t'aimes bien ? Alors, c'est une voiture que j'adore. Alors, j'ai eu la chance de faire une journée complète avec 4 Jeeps. J'étais avec des amis. Et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, c'est hyper dur, c'est très compliqué. Est-ce que je veux dire, c'est confortable ? Non, confort, le mot n'existe pas. Le soir, je ne pouvais plus bouger le bras. Donc, en freine, ça freine ou pas, mais ça a tendance à tirer à droite ou à gauche. D'accord. Pour enclencher les vitesses, il faut vraiment donner des grands coups. Donc, c'est vrai que c'est très fatigant, mais ça monte partout. Et c'est une cote de popularité qui est exceptionnelle. Mais vraiment exceptionnel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à vivre. Une fois dans sa vie, si on peut faire au moins un tour en Jeep, voilà, c'est quelque chose à vivre. Et c'est vrai que dans toutes les manifestations automobiles qu'il y a en France, je vois notamment la traversée de Paris ancienne ou toute autre manif du style, il y a toujours des Jeeps. Voilà, il y a énormément de collectionneurs, il y a eu beaucoup, beaucoup de Jeeps. Et c'est vraiment un véhicule qui est vraiment à part, quoi. Voilà. Et pour revenir justement à Vintage Garage, est-ce que justement l'émission a eu le succès? Exactement, oui. La chaîne a vraiment eu un bon retour des téléspectateurs. On espère. Voilà, j'ai la chance de connaître François Alain. On en a discuté ensemble. Il m'a pas affirmé qu'il y aurait une saison 2, mais en tout cas, les choses sont bien avancées puisque l'audience est au rendez-vous. Donc, on espère vraiment qu'il y aura une deuxième saison. Et que pourquoi pas, je pourrais aller mettre mon nez un petit peu dans ces affaires-là pour vous ramener quelques images. Alors, on le rappelle, Vintage Yard, c'était le mercredi ? C'était le mercredi, voilà, ouais. D'accord. Il y a eu 6 épisodes, donc on a parlé, ils ont parlé de 205 GTI, de Jaguar XK150, Jaguar, de Jaguar Type aussi. Il y a une très belle Jaguar Type dans le dernier épisode qui était vraiment à voir. D'accord. Voilà. Toutes des voitures hyper accessibles niveau financier. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord puisque on a eu de la Coccinelle, on a eu de la 205 GTI. Voilà. 205, tu sais bien. Je veux une cabriolet. Moi, je vais me la péter. Ah oui. Un Garo, c'est un truc vert, un truc bien. Tu vois, avec 4 vitesses. Non, vraiment, voilà, c'est une émission qui valait vraiment le coup. Ouais. Il a fallu expliquer un petit peu la mécanique, puisque c'est de la télévision, donc il y a forcément des raccourcis, ouais. Par exemple dans des séquences de restauration, forcément, on va pas nous montrer chaque boulon, chaque étape, donc il y a des raccourcis, c'est de la télé. Je t'avais dit que il faut prendre ça comme une émission de télé qui est très bien faite, et plus il y aura d'émissions françaises de télé, plus ça sera vraiment, enfin, il en faut. D'accord, voilà, il en faut. Je t'avais dit que moi j'avais passé mon permis de conduire sur une Fiat 126. Pip, que c'est le 426. Un pot, le dessin de l'homme par excellence. C'est-à-dire que c'est comme on dessine une voiture, comme un enfant dessine une voiture. Oui. Espèce de cube. Ça, on l'a jeté là. Et le moteur était effectivement derrière. Ouais, c'était un moteur de tronçonneuse. Oui. Et donc. Tu te faisais doubler par les facteurs. Conduite accompagnée, pardon, dessus. Oui, ah oui, parce que le permis, j'imaginais mal. 205. Oui, j'avais récupéré d'une vieille tante, en fait, mon père qui avait récupéré cette Fiat 126 que j'aimerais encore avoir aujourd'hui. Malheureusement, on l'a revendue pour une bouchée de pain. Ah oui, maintenant. Ça coûte le PIB d'un pays africain. C'est vrai, c'est dommage parce que du coup on s'en est séparés. Ouais. Et cette petite bagnole toute sympathique, encore plus petite qu'une Fiat 500. Exactement. Donc voilà, merci à toi. Tu as déjà une préparation pour le mois prochain ? Alors le mois prochain, je vais vous parler peut-être un petit peu de vidéos, de YouTube, de voitures. Voilà, il y a quelque chose dans les tuyaux. Je le rappelle, Jack, qu'on retrouve c'est mensuel sur Rétro Passion Auto. Rétro Passion Automobile, le magazine sort donc tous les deux mois. Le prochain sortira la première semaine de juillet. D'accord. Il y aura une magnifique Porsche

je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai le pied devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou. Et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous. Oui, on peut les applaudir bien fort, les Velvet Swing qui nous reprennent le poinçonneur des lilas. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Oh que c'était bien. Oh on est bien, on est ensemble, on est un coup, dans un coup d'œil en rétro. Alors, c'était pour nous faire plaisir ? Non, mais en fait, on savait pas que ça vous ferait autant plaisir. C'est d'autant mieux. Bah, on s'écrit dessus. Un peu tatoué, tu vois, c'est d'autant mieux. On s'écrit dessus, Gainsbourg. Ça nous fait vraiment plaisir et on vous en remercie. Les Velvet Swing. Alors d'ailleurs, on va reprendre tout de suite, et bien, sans plus tarder, l'interview avec vous. Alors. On le disait, donc on a parlé tout à l'heure un petit peu de la naissance de votre groupe, vos inspirations. On a parlé de vos inspirations, vraiment ou pas ? Non, on n'a pas trop parlé. Pas trop parlé de vos inspirations. Ouais. Non, mais ça nous allait bien en fait. Parce qu'en fait, on n'est pas spécialement inspiré. C'est vrai. De temps en temps, on va faire des pèlerinages à Sion, histoire d'essayer d'en récupérer un peu. Mais bon, alors justement, on va pas parler de ça, du jazz et du swing. Qu'est-ce qui vous plaît déjà là-dedans, dans le jazz et dans le swing ? C'est des mots courts en fait. Ouais. C'est pas trop compliqué à dire. Ok, ok. Il y a des artistes qui vous plaisent plus que d'autres. Tout à l'heure, au début, vous parliez de Swing Manouche. Enfin, oui. Je suppose que voilà, il y a des noms qui résonnent. Enfin, peut-être que nous, on connaît pas non plus tout, mais je pense à Django Reinhardt. Tout ça. Est-ce que vous êtes fan? Enfin, quels sont les artistes que vous aimez en fait? Hein. Alors, ils peuvent être différents chacun. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous consulter. Allez, de dire on les aime tous. Allez, on l'a pas entendu. Django Reinhardt, tout à fait déjà. Et puis après, toute la nouvelle vague de musiciens manouches qu'il y a actuellement, c'est-à-dire Adrien Moignard, Gonzalo Bergara, tout un tas de gens qui ne sont pas très connus, mais dans le milieu du jazz manouche, font un carton. Voilà. D'accord. Bah après, nous, c'est bien de nous en informer aussi, parce que du coup, dans l'émission, des fois, on aime bien aussi faire découvrir des choses des artistes, aux auditeurs, enfin, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, c'est toujours sympa d'avoir des invités qui nous font découvrir aussi d'autres artistes, effectivement, un petit peu plus pointus. C'est vrai que nous, on reste assez généralistes. C'est ce qu'on dit souvent à l'émission, c'est qu'on n'est pas les spécialistes particulièrement du rétro. On aime ça. On ne couvre pas une époque bien particulière, parce que dans le rétro, il faut savoir aussi qu'il y a des vrais spécialistes. Si on sait années 20, c'est années 20. Vestimentairement parlant, musicalement parlant, même socialement parlant, même le mode de vie, etc. Donc, du coup, nous, on aime bien plein de périodes. Hein. On peut le dire ainsi. Et donc, on n'est pas vraiment du spécialiste. Donc, vous êtes là pour nous éduquer. Vilain garçon. Voilà, on est là que pour apprendre. Et bien, justement, on peut parler peut-être un peu des dates. On peut vous retrouver aussi prochainement. Ça serait intéressant. Alors, oui, la prochaine date publique, parce qu'en fait, on fait beaucoup en été, en fait, on fait beaucoup, beaucoup d'événements privés. D'accord. Voilà, que ce soit des soirées anniversaires, des surprises, bar mitzvah, des communions, des mariages. Donc là, c'est la pleine période pour ça. Oui, ah ouais, on est à bloc, ouais. Alors, du coup, si on veut vous contacter, voilà, comment on fait? Est-ce que vous avez des supports? Oui. Internet notamment. Oui, alors, nouvelle technologie exceptionnelle. Alors prochainement il y aura un site internet. En attendant il y a notre page Facebook et on a aussi une chaîne YouTube, mais après le plus simple pour nous contacter c'est par Facebook. D'accord. Voilà, okay. Et au niveau de la prochaine date publique, c'est au festival Tsiga Nancy. Oui. Qui se passe à la MJC Lillebonne, et qui se déroule cette année le 26 et le 27 août. D'accord. Nous, on y jouera le 26 à partir de 21h. C'est entrée libre, donc bienvenue à tous. D'accord, ça c'est bien. Ouais. Et donc, je vous disais, les réseaux sociaux, on peut voir, notamment, moi, c'est là aussi que je vous ai un petit peu découvert, vous avez vos clips, notamment Tainted Love sur YouTube. Oui, c'est pas vraiment des clips en fait. C'est notre moyen de promo. Ah d'accord. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte très rapidement, et ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, que juste du son, ça suffit pas. C'est vrai. Y a toujours une méfiance de la part des gens qui écoutent. Bah oui, mais n'importe qui maintenant avec un peu de technologie peut réussir à faire des trucs super sans forcément être capable de le refaire en live. Ah oui, d'accord. Et donc le but de la vidéo, c'était ça. C'était simplement de montrer aux gens qui avaient envie de nous voir et de nous proposer d'éventuels contrats, dates et autres, ouais, que bah, ce qu'ils entendaient, c'était nous qui le faisions en vrai. Oui. Voilà. Et en tout cas, il est magnifique. Moi, pour l'avoir vu, effectivement, j'ai trouvé ça vraiment esthétique, très joli. Tous vos positionnements, tout était très beau. Ouais, ah, bah ça, il faut. Tout le mérite en revient à notre décoratrice en chef. C'est le lieu. Alors, en fait, c'est à la maison. D'accord. Oui, parce que vous répétez où, en fait enfin, À la maison. En fait, on est tous les trois de Chavigny. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, en fait, les vidéos sont faites à la maison. D'accord. Et en fait, au niveau du décor, alors, si je peux, je vais faire un peu de pub. Il y a un gros meuble derrière qui vient d'un entrepôt à Messin. C'est deux frères qui retapent justement des vieux meubles. Ça s'appelle comment ? Géonancy Design. Ah bah oui, j'y connais. Et en fait, on a fait des photos chez eux pour notre CD et pour nos fly, dans un décor super, et on s'en est un peu inspiré aussi pour les vidéos. Et d'ailleurs, voilà, ça serait intéressant aussi de les inviter aussi, eux, parce c'est pas mal d'industriels aussi, rétro. Ça. Mais par exemple, ils vont faire une table en bois, ça va être du bois qui a plus de 100 ans. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment du vieux, c'est pas du faux vieux. C'est vrai. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa, effectivement, pour avoir peut-être dans une prochaine émission. On va faire un petit côté mode. Hein, c'est le moment de se retrouver aussi. Donc, effectivement, chaque mois, alors, on vous le dit, on balaye un peu les. Balaye. J'aime bien ce mot-là, c'est, je l'utilise à chaque fois. Absolument jamais. J'ai un aspirateur. Mais je ne saurais même pas dire. On couvre différents artistes, la mode, la déco. Et donc, là, en l'occurrence, on va parler. Alors, ça peut paraître un peu ringard, mais non, ne vous inquiétez pas, sortez par pitié votre bob cet été. C'est le moment. C'est l'accessoire qu'il faut cet été, n'est-ce pas, Naïk ? Oui, c'est le chapeau, le couvre-chef qui fera toute la différence. T'es sûr, hein, parce que j'ai vraiment peur faites-moi confiance. Et puis, de ma vie. Alors, pas pareil, dans les années 90, on mettait les bob Lacoste, hein, je sais pas, voilà, c'était un peu. C'est encore la mode, hein. Oui, mais bon, c'était un petit peu, toi, j'essayais de faire un peu ma racaille, un petit peu comme ça. Il y avait le bob. Autre registre, Ricard, Cochonou. Oui, voilà, celui-là. Ouais, c'est le bob Ricard. C'est le bob Ricard. Tour de France, d'ailleurs. Accessoire indispensable du pêcheur. Il y avait le bob Marley aussi. Mais... le bob. Il est bon, ce Jack. Oh, il y a aussi le bob élégant, c'est ça, Naïk ? Le bob élégant, c'est quoi le bob élégant ? Bah, c'est un bob qui est pas cochonou, voilà. Bah, élégant, c'est des trucs qu'on met sur. Oui, voilà. Oui, maintenant effectivement. Donc le bob, vous l'aurez compris, donc c'est le chapeau. Donc pour cet été 2016, donc on a parlé du bob cochonou, on va laisser. Ouais. On va laisser aussi le bob Ricard, on va laisser la pétanque aussi avec la chaise pliante. En fait, le bob, voilà, pour cet été va être bien de présent sortie. sur vos têtes. Donc il faut savoir que le bob était destiné quand même, je fais un petit historique, j'aime encore bien. Vas-y. À l'origine, donc il était destiné aux pêcheurs irlandais. Et il a aussi conquis, on parlait tout à l'heure de la Jeep avec les militaires, il a aussi conquis les militaires américains, notamment dans les années 40. Et en fait, surnommé Robert, d'où son nom, en fait, qui est devenu Bob, en fait. C'est-à-dire que tu me disais, je vais mettre un Robert. Oui, alors ça passe. On disait peut-être pas comme ça, mais. Non, ça a dérivé sur Bob. En d'accord. Fait. Voilà. Et puis après, on est passé des militaires, après on est passé au congé payé, aux vacanciers. Non, aux vacanciers, en fait, dans les années 60, voilà, où c'était, on retrouvait le bob un petit peu partout. Donc le plus souvent le bob, il était en tissu ou en toile. En toile, alors ça devait pas non plus être terrible, un peu pliable et froissable. En fait, on pouvait le mettre dans une poche. C'était quand même assez pratique. Mais absolument pas en bois ni en inox. Hein, parce que c'était pas. Non, ça peut être. Pas, ouais, non. Donc populaire chez les hommes. Donc à partir des années 60, le bob s'est faufilé donc à travers les époques et en fait, il est devenu un accessoire quand même de mode masculine. Il est devenu aussi même un emblème à un moment donné du streetwear. Du streetwear, ce que je disais tout à l'heure. Dans les années 80. Et avec pas mal de rappeurs assez connus à l'époque qui en portaient, comme Tupac, Eminem. Je ne sais pas si vous vous souvenez des clips de l'époque. Mais même, mais même tout simplement des rappeurs français. Bien sûr. Rappelle Tommy Bugsy qui avait toujours un bob dans les années 90. Aussi Doc Gineco qui passait dernièrement sur Nancy aussi. Et donc c'était les bobs. Ou alors il y avait aussi le bob. Alors on va citer des marques. Oui. Le bob Kangol. Alors il y avait plus des casquettes, non? C'était pas plus des. Non, il y avait des bob Kangol. Vous vous rappelez de cette marque-là? Oui. C'était des bérets. Il me semblait que c'était des bérets. Qu'on mettait à l'envers, il fallait qu'il y ait exactement. Ah oui, le kangourou sur le front. Ouais. Bon, moi qui n'avais pas trop d'argent, c'était un bob Kagol. C'était la version Lidl. Moi, c'était Eagle, on me l'avait donné avec un bidon d'huile. Mais effectivement, donc aujourd'hui, tu penses qu'on peut, là, cet été, remettre un bob? Oui, remettez les bobs, enfin, allez dans les boutiques, voilà, vous en trouverez de fort jolis, tricolorés. Un peu jacquard aussi, non? Ouais, il y a tout avec des matières un petit peu plus nobles. Voilà, on n'est plus dans le plastique, on n'est plus dans le truc qu'on met dans la poche. Et puis, ça peut faire un look sympa. C'est aussi, aussi bien pour les messieurs que pour les femmes, par contre. On peut aussi avoir un look sympa avec un bob. Ouais, on vous en a mis un joli sur la page, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas vu. T'as mis un joli bob? Fais voir. Bon, bah écoute, voilà. Merci. Donc voilà, cet été, il faut savoir que des claquettes et un bob, vous êtes au top. Non, pas du tout. Avec ou sans chaussettes, les claquettes aussi. Oh, les sandales. Les sandales avec les chaussettes blanches avec les rayures. Le rouge, ouais. Alors moi j'ai des petits chapeaux qui font un peu bob comme ça, qui sont repliés, tu vois. Mais effectivement, j'aurais pas tenté le bob cet été. Mais alors du coup, si tu nous le dis, faut absolument le faire. Suivez tous les conseils, les bons conseils d'Anaïk chaque mois, parce que chaque mois il y a des nouveaux vêtements qui reviennent. L'année dernière, la fois dernière, c'était le jean brodé. Oui, c'est vrai. Qui revient cet été très fort. Donc voilà, vous mettez un jean brodé et un bob cet été. Si vous mélangez tout, je suis pas sûre. On a fait plus de jacquard. On dit souvent qu'il faut avoir juste une seule pièce. Voilà, faut pas tout mélanger. Non, parce qu'on ressemble à une guirlande. Trop d'informations après. C'est un peu ennuyeux. Alors, on va s'écouter un titre. Alors, est-ce que je peux passer de la musique ou du live? C'est vous qui choisissez. Est-ce que vous avez quelque chose ou on passe une musique en attendant? On va passer une musique. J'ai pas répondu. Je crois qu'il essaye de communiquer. Est-ce que vous avez envie de faire un live là? Ou alors, vous avez quelque chose sous la main? On n'a rien sous la main tout de suite. Ou alors, je passe une musique. Et donc, je vais faire une pause musicale. On va s'écouter. Alors, c'est toi qui as choisi ce titre-là? Non, c'est pas toi qui as choisi ce titre-là. C'est justement toi, Virginie. Oui. Ah bah alors voilà. C'est le moment où on peut danser dans sa voiture. Prenez votre partenaire, gardez le volant toujours bien évidemment. Et on peut se faire un petit slow, ça fait pas de mal. C'est I've been loving you too long, Otis Redding sur Fadjet. Et on se retrouve, on a encore un petit quart d'heure hein, les amis, ensemble. Jusque 18h, c'est un coup d'œil dans le rétro. Become a habit to me. Ooh, I'm loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life stop now. You're tired, and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair goes on. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, oh. I've been loving you. A little too long. I've been loving you, Otis Redding, sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Allez, il nous reste encore 10 petites minutes, l'occasion bien évidemment de retrouver nos invités pour un live, de terminer aussi avec eux en rappelant les informations. Mais il y a aussi toi, Diac, qui voulais nous parler d'un... Je voulais vous parler d'un blog qui est tout nouveau, oui, tout frais, la peinture est encore fraîche. Donc il vient d'être mis en... Voilà, qui est mis en ligne depuis le mois de mars. D'accord. Ça s'appelle la Gazette d'Hector. Donc c'est un blog vintage sur l'univers vintage, l'univers du rétro. C'est un blog qui parle de musique, de cinéma, qui va parler également de tout ce qui a trait, tout ce qui est autour du vintage. Donc vraiment, ça peut être l'automobile, ça peut être... Tu connais le blogueur ? Exactement, je l'ai rencontré il y a 15 jours à Paris lors d'une soirée. D'accord. Et on a bien parlé de son projet. C'est un Normand, il vient de... C'est un Normand, effectivement, il s'appelle Benjamin. Donc il a fait ce blog avec son épouse. Il avait auparavant une e-boutique où il vendait des produits vintage. Et il a eu envie de développer un peu ce côté rétro qu'il affectionne tout particulièrement. Et du coup, vous pouvez aller voir la Gazette d'Hector. Donc il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter. Il y a énormément d'actu tous les jours sur tous les réseaux sociaux. Et le site lagazettedhector.com, vous pouvez y aller. Et vous n'hésitez pas à regarder, il y a par exemple un très bel article sur Ursula Andress. D'accord. Voilà, vraiment un super article, très bien documenté, de très belles photos. N'hésitez pas à aller jeter un œil et liker sa page Facebook. Ok, merci à toi, Jack. Alors, on va poursuivre cette émission comme la dernière chronique. C'est la dernière chronique qu'on fait chaque mois. Eh bien, c'est pour vous informer, on va arrêter avec Fadjet, pour vous informer sur les sorties au niveau local et national. Alors, Anaïk, avant l'été, il y a quand même pas mal de choses à faire, n'est-ce pas ? Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Donc, aujourd'hui et demain, je vous propose d'aller chez Helmut et Petula à Nancy. Donc, vous pourrez assister à une vente privée. Donc, vous pourrez trouver des meubles et de la déco comme vintage. Alors en fait, comme c'est une vente privée, vous pouvez en fait imprimer le visuel sur l'événement de la page Facebook de la boutique et ainsi vous aurez à peu près moins 20% sur les articles. Donc ça se passe aujourd'hui jusqu'à 21h et demain, donc de 10h à midi. Il y a aussi samedi et dimanche, si vous êtes du côté de Strasbourg, bric-à-brac vintage organisé par la boutique Clockwork Orange. Après deux premières éditions, ils refont leur troisième bric-à-brac. Vous pourrez donc notamment chiner du mobilier, des objets déco, des luminaires, des accessoires de mode ou encore des vinyles des années 50 à 80 et le tout bien sûr à petit prix. Mais dimanche, vous pouvez aussi rester sur Nancy, n'est-ce pas ? Bien sûr, dimanche à Nancy. Que se passe-t-il ? Donc de 10h30 à 18h au 57 boulevard d'Austrasie, ouais, vous avez la friperie éphémère deuxième édition qui est organisée par Stimilic. On les a reçus cette semaine dans 94.2 services compris, la matinale de Fadjet. Elles étaient venues vendredi dernier. Tout à fait, donc organisé donc par eux et aussi par le salon de Justine, donc qui est un salon donc de Nancy. Véritable donc showroom entre le vide dressing classique et la friperie qui est un peu plus pointue. Vous aurez un large choix de vêtements, accessoires de seconde main qui seront étiquetés et triés donc sur le volet à la manière d'une boutique. Tout ceci donc pour vous mesdames et aussi pour les messieurs parce qu'il y aura aussi des articles de mode masculine. Et dimanche, donc, pour ceux qui... Ah oui, il y avait aussi, on en avait parlé la dernière fois, pour ceux qui auront la chance d'être à Paris, je vous avais parlé de la vente de vinyle de Radio France. De Radio France aussi. Ah, on en avait parlé lors de la dernière émission et ça se passe dimanche. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes aussi le vendredi 24 juin du côté de Saint-Louis, à Metz, la place Saint-Louis, de 20h à 23h30, un bal swing en plein air est organisé par l'association Metz Swing, qui est gratuit et ouvert à tous avec une initiation au lindy. Hop. Et il y a aussi la quatrième édition du festival GT Legends sur le circuit de Chennevières, organisé par le club Alfa Romeo Cœur de Trèfle. Au programme donc des grandes parades, des sessions de roulage sur piste, des véhicules de compétition de l'époque, exposition d'auto, moto, de collection, les baptêmes de course en passagers, fait énormément de choses. Ouais, c'est à voir. À l'honneur notamment la Jaguar Type D, victorieuse aux 24 heures du Mans en 55, 56 et 57. L'entrée est à 5€. Et pour l'info et les contacts, eh bien c'est contact@gtlegends.fr ou 06 10 51 91 68 68. Et on termine par les puces à Thionville. Ah oui, dimanche 26 juin, donc les puces vintage à Amnéville, de 10h à 17h, avec à 15h30 un concert gratuit, donc Hymne à la Môme, donc Édith Piaf. Eh bien, voilà pour les sorties. On se retrouve, nous, ça sera le mois prochain, si alors, je ne m'abuse. Ça sera normalement le 15 juillet. Le 15 juillet, ça sera la dernière de la saison. Tout à fait. N'hésitez pas à aller nous retrouver aussi sur les podcasts, hein, directement sur le site de Fadjet. On met à chaque fois les émissions en ligne et vous pouvez les réécouter et même les télécharger si vous êtes des passionnés. Et on va retrouver et terminer avec nos invités du jour, les Velvet Swing. Pareil, leurs informations, toutes leurs informations sur la page Facebook, un site internet qui viendra d'ici peu. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. Il faut s'y mettre. Hein. C'est ce qu'on bossait pendant les vacances. Vous bossez pendant les vacances. Hein. Oui, madame, c'est vous qui êtes quand même en vacances scolaires, non, n'est-ce pas? Ah, mais eux aussi, ils sont profs. Ils sont profs de guitare. Donc voilà, vous aurez le temps de bien bosser ça. Et vous allez vous faire un dernier petit titre? Oui. De Je ne sais pas de qui. D'accord. Je peux vous dire le titre, c'est Bernice Thune. C'est Bernice Thune. Bernice Thune. Bernice Thune. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite. Even hummingbirds hum it, it the sing. Half a look, such a jerk, Rishi Bunny's too. Millionaires, even square, Rishi Bunny's too. Bien fort, les Velvet Swing. Merci. Les amis, merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, oui, oui, c'était très agréable. Très bien, oui. On vous souhaite bon vent, en tout cas. Et on espère que... N'hésitez pas à nous refaire des petits coucous aussi ici. Si vous passez dans le coin, ouais, avec si plaisir. Vous dans le ouais, coin, ouais, ce sera plaisir. Avec plaisir. Ou nous envoyer aussi vos informations des concerts futurs. Ça marche. Et voilà les amis, ça se termine malheureusement. Déjà. Bah oui, c'est triste. Hein. Ça passe vite. Hein. Bon, ensemble, on se retrouve le mois prochain, tu disais le 15 juillet. Le 15 juillet, tout à fait. 15 juillet. C'est le lendemain du férié. Ouais, on sera encore en bleu, blanc, rouge. Et on sera là, on sera là. Faux. Restez à l'écoute, les programmes continuent sur Fadjet. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.